الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سسيجي إن شاء الله تعالى on continue avec la biographie du prophète عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Et on est toujours à l'envie de les lire pendant le mois du Ramadan, alors que le prophète عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم est arrivé à l'âge de 61 ans et il est aux portes de la Mecque, Fathu Mecca, et on va parler de la deuxième étape concernant ce sujet-là, qui est l'entrée du prophète alayhi salatu wassalam avec les sahaba radiyallahu anhum wa ardahum à la Mecque. Alhamdulillah, on avait parlé de Sulh al-Hudaybiyah, donc ici la réconciliation d'al-Hudaybiyah, et on avait vu toutes les concessions que le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les sahaba radiyallahu anhum wa ardahum ont dû faire. Et ça, Sulh al-Hudaybiyah a eu lieu 2 ans avant Fathu Mecca. 2 ans avant Fathu Mecca. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait des concessions et en échange, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les portes de da'watu ilallahi azza wa jal au prophète alayhi salatu wassalam et bien sûr à as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Dans Sulh al-Hudaybiyah, dans cette réconciliation, ce sorte de pacte, il y avait cette clause qui était que pendant 10 années, ils avaient le droit de faire da'watu ilallahi azza wa jal, ils étaient en sécurité, et il y avait un pacte de conciliation entre eux. Et alhamdulillah, le prophète alayhi salatu wassalam a été satisfait, parce qu'il a compris, il a enseigné à l'ensemble de la communauté qu'il y a le plus important et l'important, et qu'il faut s'adapter à chaque situation et mettre chaque chose à sa place. Certes, il a fait des concessions, et de nombreuses concessions, mais il savait que le plus important était الدعوة إلى الله عز وجل. Et ça, ça nous rappelle l'importance de الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, alors qu'on est en sécurité et qu'on a possibilité de faire الدعوة. Et ça, ça nous rappelle qu'il ne faut pas négliger cet appel à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'on est en période d'apaisement, en période de sécurité, en période de tranquillité, que les portes de الدعوة sont ouvertes. Et ça, c'est un grand bienfait que beaucoup de gens négligent malheureusement. Et Allah Azza wa Jal rappelle, ici dans ce verset coranique, qu'on répète souvent l'importance de da'watu ilallahi Azza wa Jal, et il fait honneur aux prêcheurs, à du'at, wal-mashaykh, wal-a'imma, wal-ulama, حينما قال سبحانه وتعالى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحة وقال إنني من المسلمين. Et qui dit une plus belle parole que celui qui appelle à Allah, wa amila saliha, et qui œuvre et qui accomplit les œuvres salutaires, c'est-à-dire l'action qui est accomplie sincèrement pour Allah Azza wa Jal et qui est conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, hadha huwa al-amal as-salih, c'est ça l'action salutaire. Wa qala innani min al-muslimin, et dit je fais certes parmi les soumis à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les musulmans. Allah Azza wa Jalla a ouvert la porte de da'wah. Ils ont fait des concessions, mais ils étaient, lors de As-Sulh al-Hudaybiyah, à peu près, comme on avait dit, 1400. 2 ans après, ils reviennent à la Mecque, alors qu'ils sont à peu près, on l'a cité ou pas, à peu près 10 000. 2 ans après, 10 000 croyants. Et ici, à leur tête, alayhi salatu wassalam. Aux portes de la Mecque, voilà celui que, ou que celui qui les a provoqués pendant de nombreuses années, celui qui les a combattus pendant de nombreuses années, Afwan se retrouve entre les mains du prophète alayhi salatu wassalam, et voilà qu'il dit, Abu Sufyan, radiyallahu an, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Il s'est converti à l'islam. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il a respecté Abu Sufyan, bien qu'il ait combattu les musulmans, bien que ici Abu Sufyan ait provoqué les musulmans, etc., etc. Il savait qu'il était à la tête de Quraysh à la Mecque. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète alayhi salatu wassalam, après que Abu Sufyan, comme on l'a vu dans le dernier cours, lui a demandé ici de lui donner une certaine sécurité. Il lui a donné de l'importance, le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez le comportement, la méthodologie. Al-fikr, la pensée qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, al-basir, la clairvoyance qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, il voyait loin. Il lui a donné ici cette sécurité. Et comme il nous est parvenu ceci à travers le hadith de Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, toute personne, man dakhala dara Abi Sufyan, fa huwa amin. Celui qui rentre dans la demeure d'Abi Sufyan, il est en sécurité. Regardez le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit à Abu Sufyan et qu'est-ce qu'il n'a cessé de répéter le prophète quand il est rentré à la Mecque. pour donner de l'importance à qui? Abu Soufyan, il lui rappelait, khlas, il y aura la sécurité. On avait cité le hadith ici où le prophète alayhi salatu wassalam avait dit aussi, celui qui s'enferme chez lui, il est en sécurité, fa huwa amin. Celui qui rentre chez Abu Soufyan, il est en sécurité aussi. Et il dit, celui qui entre dans la mosquée sacrée, fa huwa amin. Celui qui rentre ici dans la mosquée sacrée, al-haram, ici, la mosquée sacrée, il est en sécurité. Et bien plus que cela. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam et la preuve qu'il voulait pas simplement ici verser le sang à la Mecque. Il voulait pas couper des têtes. Il voulait pas se venger gratuitement. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a mis en œuvre pour pouvoir rentrer ici dans le calme et dans la sérénité à la Mecque. Et il est rapporté, et ce récit dans Al-Bidaya wa Nihaya, et il est rapporté par Ibn Hisham aussi, qu'il l'a rapporté d'Ibn Ishaq. Rahimahumullahu jami'an, il est rapporté que Abu Soufyan voulait avertir son peuple. Il voulait les mettre au courant que le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que le sahaba, ils allaient rentrer en troupe. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est dit, ça va risquer de provoquer quoi? Regardez comment il voyait loin. Et ça, c'est des ibar, c'est des leçons qu'on doit prendre. Il y a ici al-idhad, des exhortations à prendre. Et la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui l'a prise et qui l'a comprise et qui l'a mis en application, certes vivra une vie heureuse. Et certes fera partie, bi-idhnillah, des gens intelligents. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu loin, il s'est dit, mais si ils sont au courant, bien sûr, ils vont se préparer. Et ici, ils vont vouloir attaquer. Donc ici, le plan peut tomber à l'eau. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle al-Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Il lui dit, accompagne Abu Soufyan jusqu'à tel endroit. C'était un endroit où toutes les tribus, tous les groupes de croyants, ou plutôt tous les groupes de croyants qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, devaient passer pour rejoindre la Mecque. Regardez ici l'intelligence du prophète alayhi salatu wassalam. Pour que Abu Soufyan voit toutes les tribus passer devant lui. Passer devant lui et pour rappeler à Abu Soufyan, regarde le grand nombre et la force qu'on a. Parce que ici, quand tu vois un attroupement, mais quand tu vois petit à petit tous les groupes dans les détails et tu vois et tu peux distinguer quelle tribu ou de quelle tribu font partie un tel, quelles sont ces personnes au fur et à mesure, ceci est plus à même à te faire reconnaître la force de ton adversaire. Regardez, le prophète il dit va avec Al-Abbas, va avec Abu Soufyan, va dans tel endroit et ici reste avec lui pour qu'il voit tous les groupes passer devant lui et qu'il se dise khlas, vraiment on n'a aucune chance. Et pour qu'on puisse, ensuite, ils puissent avertir ici les gens qui étaient à la Mecque, comme quoi ils n'ont aucune chance. Et donc, Al-Abbas l'a fait. Il est parti avec Abu Soufyan. Et voilà, dans le récit, je vous le cite. Ici, à chaque fois qu'ici, il y avait des troupes qui passaient, il disait à Al-Abbas, Abu Soufyan. Et il disait, mais qui sont ceux-là? Et il disait, c'est Sulaym. Il répliqua, mais que me veut Sulaym? Ensuite, une autre tribu passa. Et ainsi de suite. Il dit, mais c'est qui cela? Il disait, Al-Abbas, c'est telle tribu. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Il lui dit, khlas. Il dit, qui sont ceux-là? C'est telle tribu. Pour qu'il voit vraiment toutes les tribus. Et qu'il se rende compte, parce que quand on entend, c'est pas quand on voit. Et quand on voit dans les détails, c'est pas quand on voit une chose de façon générale. Pour lui dire, regarde, qu'est-ce qui attend ici, les Mécois, s'ils veulent pas la paix. Et ici, Abu Soufyan, après qu'il ait vu toutes ces tribus passer, il a vu qui le prophète, alayhi salatu wassalam, accompagné de Al-Muhajirun wal-Ansar, passer devant. Et ensuite, Abu Soufyan, à ce moment-là, il dit, Abu Soufyan, qu'il n'y a pas une puissance qui puisse faire face à cela. Et il dit, la reine de ton neveu, ou le règne de ton neveu. Ça, c'est Abu Soufyan Afwan qui le dit maintenant. Il dit, le règne de ton neveu, ya Al-Abbas, il parle à Al-Abbas, de ton neveu est devenu, certes, immense. Quand il a vu quoi? Il a vu le prophète avec le muhajiroun à la fin passée. Et il dit, Al-Abbas répliqua, mais c'est la prophétie au Abu Soufyan. Regardez l'éducation. Ici, il dit, le règne de ton neveu est devenu certes immense. Et ici, Al-Abbas lui rappelle que quoi? C'est quoi Al-Nubuwa? C'est la prophétie. Pour lui rappeler, comme disent les ulama, que le prophète, alayhi salam, il n'a pas voulu ici être roi. Il n'a pas fait ça pour avoir des biens d'ici-bas. Mais c'est un prophète. Il le rappelle que c'est un prophète. Et qu'il n'a aucun intérêt mondain à gagner. Mais simplement, il est là pour leur imposer et leur rappeler qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et que le prophète alayhi salatu wassalam, son devoir c'est de transmettre. Car c'est un prophète. Et ce n'est pas un roi. Regardez, il le rappelle, ce n'est pas un roi, mais c'est un prophète. Il répondit, c'est donc excellent. Abu Soufyan, il dit, c'est donc excellent. Et quand Abu Soufyan rentra à la Mecque, il était encore ici choqué de ce qu'il venait de voir. Et ici, il a commencé, et regardez, c'était ça le but, a rappelé aux gens qui étaient à la Mecque, attention, ce qui arrive derrière, si vous vous soumettez pas, entre guillemets, ici vous risquerez de quoi? Vous risquerez d'être anéanti. Abu Soufyan, il savait qu'il y avait une grosse armée qui était derrière lui. Et c'était le but du prophète alayhi salam pour qu'il les avertisse. Et ici, qu'il leur rappelle qu'ils ont aucune chance. Donc qu'il essaye ici de les convaincre, baisser. Ici, baisser les armes. Laissez tomber les armes. Khlas. Donc c'était ça le but du prophète, rentrer ici en sérénité. Il ne voyait pas la guerre. Lakin, si il voulait prendre les armes, le prophète, il était prêt ou pas? Bien sûr, parce que même Abu Soufyan, il a été étonné. Il a été choqué de voir le grand nombre de musulmans qui étaient en train de venir et ici rentrer par tous les coins de la Mecque. Et quand Abu Soufyan est rentré, les amis, il leur a mis en garde. Il leur a dit, attention, baissez les armes. Et il répétait, toute personne qui rentre chez Abu Soufyan, fahoua amin, il est en sécurité. La première à se lever, ou parmi les premières personnes à se lever, c'est sa femme, Hind. Et sa femme Hind lui a sauté dessus. Et elle s'est mise à l'insulter. Elle lui a dit, tu es un traître, etc. Elle lui a dit, comment toi tu es un chef? Toi tu es un commandant? Toi tu nous diriges alors que tu baisses les bras? Et il a reçu toutes sortes de quoi? Toutes sortes de paroles humiliantes et toutes sortes d'insultes. Et personne ne voulait écouter. Et le prophète et Abu Soufyan Afwan, il continuait et il insistait. Il dit, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Je sais ce qui vous attend ici. Baissez les armes et toute personne ici sera en sécurité. S'il rentre chez moi ou si ici il va dans l'enceinte sacrée de la Mecque. Et ici il a créé quoi? Il a créé ici la perturbation dans les rangs. Donc il y a des gens, ils n'ont pas compris. Je dis, Abu Soufyan nous dit ça. Et il nous rappelle ici, bien sûr, il a répondu la peur dans le cœur de certains. Bien sûr, ils se sont dit, c'est pas normal si Abu Soufyan, il rentre et il répète ceci, etc. Et il est sûr de lui malgré qu'on lui dit, tu es un fou, il persiste, il dit non, laissez tomber. Donc ils ont commencé à paniquer. Et chacun commença à se disperser. Certaines personnes sont rentrées chez elles, d'autres personnes ont pris les armes, d'autres personnes sont rentrées dans l'enceinte sacrée, d'autres personnes sont restées. Yani ala kulli hal, il a créé ici la dissension, ou il a créé ici la perturbation plutôt, ici au sein des Arabes. Et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam, il rentre avec plus de 10 000 compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et chacun rentrait d'un côté ici, vers la Mecque ici. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est relaté dans de nombreux récits, il est rentré, dans certaines versions, ils disent qu'il est rentré la tête basse. Dans un hadith que j'ai lu, lakin je ne connais pas l'authenticité, ala kulli hal, je vous le cite, ici ils disent qu'il est rentré la tête basse à tel point que sa barbe touchait la selle de sa monture, alayhi salatu wassalam. Et il rentrait ici, c'était une victoire, regardez, c'était une victoire ici. إذا جاء نصر الله والفتح. Ça c'est un secours d'Allah Azza wa Jal. L'ouverture, la conquête de la Mecque. Normalement, il rentre fier. Alhamdulillah. Même si on va dire quelquefois tu es fier, ce n'est pas par orgueil, par vanité. Mais tu es fier, alhamdulillah. Et tu es sincère. Mais regarde le prophète jusqu'où il va. Et la preuve, ici, et ça ne fait que confirmer la parole d'Al-Abbas, quand il a dit ton royaume, Abu Soufyan lui a dit ton neveu a un royaume immense. Il a dit non, mais c'est une prophétie. Il rappelle encore le prophète Asim que c'est un prophète. من تواضع لله رفعه كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح مسلم. Celui qui agit avec modestie envers son Seigneur, avec humiliation envers son Seigneur, qui se rabaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal certes va l'élever. Le prophète n'a cessé de se rabaisser, pas par pitié, pas par faiblesse, mais par amour pour son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal l'a certes élevé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le prophète alayhi salatu wa salam est respecté et honoré à travers la bouche de tous les croyants et les croyantes, walillahi alhamd, ne serait-ce que dans le fait de dire alayhi salatu wassalam, sallallahu alayhi wassalam, la meilleure des créatures sur la surface de la terre rentre à la Mecque, comment, la tête basse. Nous maintenant, au jour d'aujourd'hui, regardez dans la dimension dans laquelle on est, pour un match de foot quelquefois, en courant après un ballon, et on joue, et normalement c'est un jeu, et on gagne un match, on dirait qu'on a libéré je ne sais quoi. Ou qu'on a gagné, je ne sais quoi, ou qu'on a fait, il y a une action, mais plus que louable auprès d'Allah Azza wa Jal. Et on s'enfle d'orgueil, et on humilie l'adversaire, et on commence à s'énerver, et se mettre en colère pour un ballon de foot. Le prophète Aïssam, il a ouvert la main, ils sont rentrés à 10 000. Regardez quelle gloire, la tête baissée. Alayhi salatu wassalam. Où sommes-nous avec, ou par rapport à at-tawadu' wal-haya? Par rapport à, ici la modestie est là, et la pudeur. Wallahi, plus de respect, illa man rahim Allah. On ne trouve que peu de respect chez les croyants, que peu de modestie chez les croyants, que peu de politesse chez les croyants, que ça soit envers al-ibad, les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ou bien envers al-hayawanat, envers les animaux, ou bien envers al-kuffar quand il se doit et quand il le faut, ou bien envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est le plus important. Alou, notre alaqa avec Allah subhanahu wa ta'ala. Où est notre comportement, notre moralité envers notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, entre nous, envers les croyants, les uns envers les autres. Regardez le prophète, il rentre la tête baissée. Pas d'orgueil. Masha'Allah. Ici, il reconnaît que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a facilité ici ce secours et cette conquête, la conquête de la Mecque. Et les milliers, alhamdoulilah, ils sont rentrés ici à la Mecque et le prophète alayhi salatu wa salam s'est dirigé vers la Kaaba. Il y avait à peu près 360 statues. 360 statues et ils ont commencé à détruire les statues. Et c'était le but principal de la conquête de la Mecque. Et c'est parmi les causes principales que les prophètes et les envoyés sont envoyés. Pourquoi ? Éradiquer al-shirku billahi azza wa jal et instaurer al-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que tout prêcheur et tout prédicateur doit toujours commencer par al-tawhid lillahi azza wa jal. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din hunafa. Et cependant, il ne leur a été que commandé que d'adorer Allah azza wa jal, seul l'unique, en lui vouant un culte exclusif pur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, quand il est rentré, ils ont commencé à détruire les statues. Et avec eux, le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même, il détruisait les statues. Et pendant qu'il détruisait les statues, et vous vous souvenez de ce verset qu'on répète souvent, et que, ibtida'an, avant tout, il est descendu, il a été révélé, lors de cette situation, Fathu Mecca, le prophète répétait, wa qul ja'a al-haq wa zahaqa al-batil, inna al-batil kana zahuqa. Et dit, certes, la vérité est venue, et le faux s'en est allé. Certes, le faux est voué à disparaître. Mets ça dans ta tête, ya Abdallah, grave-le, et dans ton cœur aussi. Sache que le faux et ceux qui détiennent le faux entre les mains, ce faux-là est voué à disparaître. Tandis qu'Allah Azza wa Jal rappelle l'impact de l'haq, la vérité, wa qul ja'a al-haq wa zahaqa al-batil, inna al-batil kana zahuqa. Et ici le prophète détruisait ici les idoles bi idhnillahi Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salatu wa salam ensuite, il a donné l'ordre d'ouvrir la porte de la Kaaba. Imaginez-vous ici la situation. Toutes les époques et toutes les oppressions qu'ils ont vécues pendant ces époques-là, voilà que le prophète alayhi salatu wa salam, 202 ans avant, il est à Sulh al-Hudaybiyah, 1400, ils font marche arrière avec plein de concessions. Le prophète lui leur dit, isbiru, patientez. Et là on voit ici le résultat de la patience. Et est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit faux quand il dit inna an-nasra ma'a as-sabr wa inna al-faraja ma'a al-karb wa inna ma'a al-usri yusra? Et quand Allah azza wa jalla dit inna ma'a al-usri yusra, inna ma'a al-usri yusra, certes auprès de la difficulté il y a la facilité. Et quand Allah dit inna Allah ma'a as-sabirin, Allah est avec les patients, auprès de la difficulté il y a certes la facilité. Il faut le comprendre et il faut le graver dans les têtes et dans les cœurs, et il faut le vivre aussi. Et je reviens encore une fois à cette parole de l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala que j'avais cité, je pense si mes souvenirs sont bons, c'était hier ou avant-hier. Ala kulli hal, quand l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala a dit, voulez-vous savoir quand Allah azza wa jal va accepter vos invocations? Quand Allah va accepter vos invocations? Il dit, na'am, oui, certes, ya shaykh. Et regardez qu'est-ce que dit l'imam Ahmed. Voyez-vous une personne qui est sur un bateau, au bout de ce bateau, au milieu de la mer, alors qu'il y a des tempêtes et tempêtes, il est seul sur son bateau au milieu ou au bout du bateau sur la mer, tout seul. Et il sait qu'il, khlas, devant lui il y a quoi? Al-maut, la mort. Ça, il sait qu'il va périr. Et à ce moment-là, il lève ses mains et il invoque Allah Azza wa Jal. Il dit, si vous invoquez Allah Azza wa Jal comme fait cette personne dans cette situation, sachez qu'Allah va vous accepter votre invocation. Regardez, Allah Azza wa Jal, il veut qu'on soit dans la détresse et que à ce moment-là, on n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala et on se rappelle que celui qui donne al-nasr, le secours, c'est Allah azza wa jal. Et Allah, il veut nous pousser à bout, car Allah azza wa jal aime, comme il est relaté dans le sahih, il aime entendre les gémissements de son serviteur qui pleure. Ya Allah, j'en peux plus. Allah, il aime ça, il veut ça. Et là tu montres à Allah, ya Allah, je me remets à toi, je n'invoque personne d'autre que toi, je prouve à travers mon invocation que c'est toi qui acceptes les invocations, que toi tu es unique, que toi tu existes, que c'est toi le puissant et le sage, et que nul ne peut m'aider dans cette situation si ce n'est que toi. Et c'est pour ça que le prophète a dit, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, alhamdoulilah, il a ordonné ici d'ouvrir la porte de la Kaaba. Ici, 2 ans après, ils reviennent à 10 000. Et Fathu Mecca, ils conquérissent par la permission d'Allah la Mecque, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a ordonné ici d'ouvrir les portes de la Kaaba, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré tout de suite. Pourquoi? Il était indigné, le prophète alayhi salatu wassalam, de voir une chose dans la Kaaba, deux dans la Kaaba, ça lui a fait mal. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'Allah azza wa jal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maudisse, qu'Allah azza wa jal les combatte, c'est-à-dire les associateurs. Ces associateurs, qu'Allah azza wa jal les combatte. Par Allah, jamais Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam n'ont fait cela. Et ici, il fait, ou il fut effacé tous ses dessins. Quel dessin? Il est rapporté qu'ici, il y avait deux images, ou deux représentations, qui deux sortes de représentations d'images d'Ibrahim alayhi salam et d'Ismaïl, ici, qui est en train de participer ou lancer des sortes de flèches divinatoires. Et ici, le prophète, il n'a pas supporté. Il a dit, je ne rentrerai pas tant que vous ne me débarrassez pas de ça. Et il a dit qu'Allah azzawajal les maudit, c'est qu'Allah azzawajal les tue. Ibrahim et Ismaïl n'ont jamais fait cela. Donc il rappelait ici, à travers ces images, ces associateurs, que même Ibrahim et Ismaïl participaient à ce shirk wal iyad billah, cette association. Ensuite, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il est rentré deux dans la Kaaba et il a prié rak'atayn. Il a fait deux prières rak'atayn et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayn. Il est rentré à l'intérieur de la Kaaba, il a prié deux unités de prière alayhi salatu wa salam, il a salué, ensuite il est ressorti, il a salué la pierre noire, il a fait tawaf hawla al-Kaaba alayhi salatu wa salam, les sept tours autour de la Kaaba. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, après qu'il ait fait les sept tours autour de la Kaaba, et il augmentait, il multipliait, comme il le relatait dans Sahihain, at-tasbih, wat-tahmid, wat-tahlil, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Il s'est dirigé vers le mont As-Safa, et ici, il s'est tourné vers la Kaaba, il a levé ses mains, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant d'invoquer Allah Azza wa Jal, comme il est relaté toujours dans Sahihain, rapporté par Al-Bukhari au Muslim, il a augmenté At-Tasbih, Wat-Tahmid, Wat-Tahlil, et ensuite il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi salatu wa salam. Et après cela, il n'a pas fait ici As-Sa'yi, Bayn As-Safa wa Al-Marwa. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en, il n'était pas en état de sacralité, alayhi salatu wa salam. Et le prophète alayhi salatu wa salam, à ce moment-là, il est revenu, et il a appelé Bilal, Bilal radiyallahu anhu wa arda. Regardez. Man tawada'a lillah rafa'ah. ولكن لابد من الإخلاص. Il faut automatiquement de la sincérité. Et il faut الثبات, le raffermissement. Et toujours on demande à Allah Azza wa Jal de nous raffermir. Même si tu es sincère, ça ne veut pas dire automatiquement que tu vas patienter aux épreuves. ولذا قال جل وعلا واصبر وما صبرك إلا إلا بالله. اهدنا الصراط المستقيم. أو كما قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. Allah Azza wa Jal à travers ces versets nous rappelle que quoi? Wallahi, il n'y a pas de raffermissement. Et tu pourras jamais rester ferme lors des épreuves. Parce que les épreuves, c'est pas quelque chose de simple et de facile. C'est pas quelque chose de simple et de facile. Tu ne pourras jamais patienter sans la permission d'Allah et sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit toujours. On dit toujours au moment des épreuves, on demande toujours à Allah Azza wa Jal de nous raffermir. Ici, toujours on demande à Allah al-thabat. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous faire, ou de pas, de faire de nous des personnes qui vont glisser lors des épreuves. Parce qu'une épreuve, wal'iyadu billah, wallahi al-azim, bien sûr, comme vous le savez très bien, Allah Azza wa Jal, il descend les épreuves, comme on le répète souvent le verset coranique dans surat al-Ankabut, dans l'araignée. Allah Azza wa Jal, il met des épreuves parmi les hikam, les sagesses des épreuves, c'est pour voir le véridique et le menteur. Et pour que tu saches, toi, est-ce que tu es véridique et menteur. Mais combien de personnes ont glissé lors des épreuves et qui, jusqu'à ce qu'ils sont sortis de la religion, wal'iyadu billah, combien, à l'appel, on en voit tous les jours. Où on en entend des histoires tous les jours plus tôt. Donc c'est pour ça, toujours demander wasbir wa ma sabruka illa billah. Quand vous êtes dans des épreuves, demandez à Allah Azza wa Jal de vous raffermir. Ya Allah, aide-moi à patienter. Ya Allah, aide-moi à patienter. Et concentrez-vous, comme il disait Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Il disait, nous, on se préoccupait pas quand Allah va accepter mon invocation. Mais il disait, comment on faisait l'invocation? Et celui qui se préoccupe de la manière dont laquelle il invoque Allah Azza wa Jal, quelle manière il utilise pour invoquer Allah Azza wa Jal, Allah se précipitera à accepter son invocation. Tandis que celui qui se préoccupe et précipite quant à l'exaucement d'Allah Azza wa Jal verra son exaucement retardé. Pourquoi? Parce que le principal, c'est pas, mais ya Allah, je veux que tu m'exauces. Non, comment? Concentre-toi. Comment tu invoques Allah? Est-ce que tu manges le halal? Est-ce que tu bois le halal? Est-ce que tu lèves tes mains au ciel? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu as le khushu'? Est-ce que tu as le tawakkul ala Allah? Al-yaqin billahi azza wa jalla. Concentre-toi dans ça. Est-ce que tu as réuni ash-shurut, les conditions pour que l'invocation bi-idnillah soit acceptée? Est-ce que tu invoques Allah azza wa jalla au moment, yani fil awqat, au moment, aux heures où Allah il accepte les invocations, bayna al-adhan wa al-fajr, quand tu es musafir en voyage, quand tu es dans sujoud, quand tu es dans siyam, etc. Est-ce que tu cherches ici toutes les causes qui vont faire que ton invocation est acceptée? Donc ici, il faut revenir et se poser la question, est-ce que je fais ça ou pas? Donc ici, il faut al-ikhlas lillah azza wa jal. Et il faut al-thabat. Et il faut invoquer Allah azza wa jal. Et regarder lors des épreuves, les gens qui ont été sincères. Et regardez le résultat. Bilal, il s'était retrouvé dans le passé, on avait déjà cité ça au début. Ici, sous une grosse pierre ou des pierres, sous le soleil chaud. Et il lui disait, ici, mais crois en ton Seigneur. Et qu'est-ce que disait Bilal? Sous une pierre. Ahadun ahad, ahadun ahad. Voilà que ici, Fathu Mecca, le prophète Idia Bilal monte au-dessus de la Kaaba et appelle les gens. Adhin. Appelle les gens, c'est-à-dire fait al-adhan. Et voilà que Bilal, il se retrouve au-dessus de la Kaaba devant tout le monde en dessous de lui et qu'il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardez Allah Azza wa Jal. Man tawada'a lillah rafa'ah. Si tu es sincère, bi'idnillah Azza wa Jal. Bilal, c'est lui qui appelle ici à la prière et qui leur dit venez à la prière. Hayya ala al-falah, venez au succès. Et qui dit la ilaha illallah. C'est qui? C'est Bilal radiyallahu ta'ala anhu warda qui était rabaissé et qui était humilié devant cela. Mais cherche la satisfaction d'Allah, cherche pas la satisfaction des gens, ya Abdallah. Regarde les résultats. Inna nasra ma'a sabr. Lakin, il faut être sincère du début jusque la fin. Et certes, les fruits que tu vas récolter, si tu es sincère, retiens ça. Wallahi al-azim, ils seront très sucrés. Amma, si tu n'es pas sincère, tu vas certes récolter des fruits. Plein de fruits. Mashallah, plein de fruits. Mais wallahi, ils seront tous amers. Ils seront tous amers. Si tu es sincère, tu verras que tes œuvres, bi'idnillah azza wa jal, vont apporter des bons résultats. Si tu n'es pas sincère, wallahi, peut-être tu vas faire des actions devant les gens qui vont te glorifier pendant des années, mais le résultat, Allah, il va te scandaliser ici-bas avant le-delà. Donc, iyak thumma iyak, wa alaykum wa usi nafsi awwalan, alaykum wa alayna jami'an bil ikhlas lillahi azza wa jal. Et ici, le prophète alayhi salatu wa salam, il a appelé tous les croyants et les croyantes, les enfants et les personnes âgées pour faire ce qu'on appelle al-bay'a, le serment d'allégeance ici. Et ils l'ont tous fait, comme il le relatait dans Sahih al-Bukhari wa Muslim. Ils ont tous fait, les petits, les grands, les hommes et les femmes. Et là dans Sahih al-Bukhari, ici, et Muslim, Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, elle a dit quoi? Elle a dit, wallahi par Allah, la main du prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais touché aucune femme. En parlant ici du al-bay'a, ici le serment d'allégeance ici concernant l'islam, comme quoi ils étaient musulmans et comme quoi as-sam' wa at-ta'a, ici qu'ils allaient écouter et obéir. Sami'na wa at-ta'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. C'est-à-dire que khlas, ils seraient soumis à Allah azza wa jalla et à la sentence du prophète alayhi salatu wa salam. Ils ont tous fait ce serment d'allégeance et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam dit inni la usafihu an-nisa, wallahi moi je ne sers pas et je ne touche pas la main aux femmes. Alayhi afdalu as-salati wa as-sakat taslim. Et ici les femmes ne touchaient pas la main du prophète alayhi salatu wa salam quand il faisait le serment d'allégeance, contrairement aux hommes et contrairement aux enfants. Et rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, le hadith, je vous le cite ici, et on arrive vers la fin de Fathu Mecca, incha'Allah ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam, fit un discours et il dit, le prophète il leur a fait un discours et il dit, Allah azza wa jalla a fait de la Mecque une ville sainte, mais les gens ne l'ont pas considérée comme telle. Il n'est pas permis à un croyant qui croit en Allah azza wa jalla au jour dernier, d'y verser le sang, ad-dam, ou de tailler les branches des arbres. Si quelqu'un vous permet de déroger à cette loi, sous prétexte que l'envoyé d'Allah alayhi salatu wa salam y a combattu, parce que le prophète alayhi salatu wa salam, sous le prétexte que le prophète avait combattu, dites-lui qu'Allah a permis à son envoyé de combattre dans ce territoire, mais non pas à vous. C'était khas l'innabi alayhi salatu wa salam, particulier au prophète alayhi salatu wa salam. Il dit ensuite le prophète, et Allah ne m'a donné cette autorisation que pendant une partie de la journée. Aujourd'hui, la Mecque a retrouvé son caractère sacré d'hier, que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Et le prophète alayhi salatu wa salam, on avait dit que ça c'était pendant le mois du Ramadan, le 8 de l'Hégire, alors qu'il avait à peu près 61 ans, lors de la conquête de la Mecque. Allah Azza wa Jalla a révélé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Iza ja'a nasrullahi wal-fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset coranique et on va voir qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas, turjuman al-Qur'an al-Karim, sur ce verset coranique et la conversation qu'il y a eu entre Omar ibn al-Khattab ibn Abbas radiyallahu anhum jami'an. Et ici on va voir ici la traduction de ce verset coranique ou de ces versets coraniques. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah Azza wa Jalla dit, ja'a nasrullahi wal-fath. Lorsque vient le secours d'Allah Azza wa Jalla ainsi que la victoire. Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, afwaja. Alors à ce moment-là. Donc Allah Azza wa Jalla s'adresse à qui? Au prophète alayhi salatu wa salam ou à l'ensemble des gens? On va voir. Alors à ce moment-là, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon à Afwan, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Et ici, concernant cette sourate, sourate al-Nasr ici, Idha ja'a Nasrullahi wal-Fath, elle est appelée aussi la sourate ici d'adieu. La sourate d'adieu. Pourquoi? Parce que là, on voit à travers cette sourate, et on a eu comme information à travers cette sourate, que la mort du prophète alayhi salatu wassalam s'approchait. Et là, vous avez compris qu'on arrive vers la fin de la vie, de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas fini, certes, mais on arrive vers la fin. Et comment, ici, on peut dire cela? Regardez ici, qu'est-ce qu'il est relaté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Ici, Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa arda, ici, ce grand exégète du Coran qui a reçu l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam, il dit, comme Omar, radiyallahu ta'ala anhu, pris l'habitude de me laisser entrer avec les personnes de Badr. Regardez, et suivez bien, prenez ici quelques morales ici. Comme Omar radiallahu anhu arda, Ibn Abbas il dit, il prenait l'habitude de me laisser rentrer avec des gens qui avaient participé à Badr. Quelques-uns d'entre eux virent la chose d'un mauvais œil et lui dirent, pourquoi laisses-tu celui-ci rester avec nous? Nous aussi nous avons des fils comme lui, mais il est de ceux que vous savez, répondit Omar ibn al-Khattab. Un jour Omar invita ces personnages et il invita aussi Ibn Abbas. Il ne fit cela, dit Ibn Abbas, que pour leur montrer ce que je sais. Regardez, des gens, ils avaient, ici, ils ne trouvaient pas normal, ils disaient, mais nous aussi on a des enfants, tu fais rentrer Ibn Abbas toujours, pourquoi pas nos enfants? Et regardez l'éducation Ibn Omar, et ça nous rappelle que quelquefois, quand tu vois que des gens prennent mal, que tu devances des jeunes, ici pourquoi? Parce qu'ils sont touchés quelquefois, surtout au jour d'aujourd'hui, ils sont touchés par exemple par l'ignorance, ou alors des mauvaises traditions, et ils voient que tu fais devancer quelquefois des jeunes. Ils comprennent pas trop. Mais toi, tu as fait devancer ce jeune-là parce que tu sais qu'il a le niveau d'être devancé. Par exemple, à titre d'exemple, pour faire une exhortation, pour faire la prière, etc., etc., ou pour faire un rappel à la kulli hal. Et tu vois que des gens le prennent mal. Donc, à toi de montrer ouvertement ou de provoquer une conversation ou un niqash ou alors des questions-réponses. Pas pour, ici, qu'on glorifie ce jeune-là, mais pour rappeler aux gens, voilà pourquoi je le fais devancer. Il a un niveau de science élevé. Il a un niveau de science élevé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il élève ceux qui détiennent la science. Il élève ceux qui détiennent la science par rapport aux autres. Plus tu as de la science et plus tu as de l'importance auprès d'Allah azza wa jal. C'est pas plus tu es vieux. C'est pas plus tu es riche. C'est pas plus tu es fort. Et ça, faut le graver dans la tête. Même si tu as un enfant de 12 ans qui t'enseigne une chose que tu ne connais pas, ya Abdallah, tu fermes ta bouche et tu acceptes. Et remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait qu'un enfant vienne t'apprendre ta religion et dit alhamdulillah barakallahu fina wa fiki abdallah. Ça c'est le croyant. Amma al-mutakabbir wal ayadhu billah, ou celui qui est rempli de jalousie, il va dire moi celui-là va m'apprendre ma religion. Ithna la yata'allaman al-mustahi wal mutakabbir, deux n'apprendront jamais. Celui qui a cette pudeur, mais c'est pas cette pudeur bonne. C'est le timide qui a honte de poser des questions. Alors ça fait pas partie de la pudeur en islam. Autorisé, légiféré, louable, abadan. Tu poses des questions à Abdallah et al-mutakabbir. Celui qui quoi? Celui qui s'enfle d'orgueil. C'est quoi al-kibr? Rapporté par l'imam muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, la yadkhulu al-jannah. Ou comme a dit alayhi salam, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. N'entrera pas au paradis. Un poids d'un atome d'orgueil dans le cœur. Celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur rentrera pas au paradis. Je dis à Rasoulallah, il y a des gens parmi nous. Ils aiment avoir de belles sandales, de beaux habits. Le prophète, il a dit, c'est pas ça. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime ce qui est beau. Il a dit, al-kibr, c'est quoi? Batarul haq wa ghamtun nas. Ne pas accepter la vérité et mépriser les gens. Combien y en a-t-il dans la communauté? Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de cet égarement. Ici, de pas accepter la vérité. Si toi, tu n'acceptes pas la vérité, Abdallah, sache que t'as déjà mis un pas dans l'hypocrisie, wal'iyadhu billah. Même si c'est un jeune, même si Oussama ibn Zayd, radiyallahu ta'ala anhu arda, 18 ans, il avait quoi? Responsable de l'armée musulmane. Jusqu'à ce que quand le prophète, alayhi salatu wassalam, arrivait vers sa fin, vers la mort, certaines personnes disaient, ya Rasulallah, on va laisser Oussama ibn Zayd. Il a dit, laissez Oussama ibn Zayd. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ici, il y avait des gens qui comprennent. Laissez Oussama ibn Zayd. Le prophète, il l'a mis, c'est qu'il y a une raison. Même s'il a 18 ans. Khlas. Inna akramakum indallahi atqakum. Ceux qui sont les plus nobles auprès d'Allah, c'est les plus vieux, c'est les plus pieux, et ce n'est pas les plus jeunes aussi. Et ici, ne fait pas partie de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, comme a dit alayhi salatu wassalam, celui qui quoi? celui qui ne respecte pas ou qui ne fait pas miséricorde aux personnes âgées. Et pareil pour les enfants. Tu respectes les personnes âgées, tu fais miséricorde aux enfants. C'est ça. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi on a fait de vous une communauté de juste milieu. Le jeune, il respecte la personne âgée respecte le jeune. Et celui qui a de la science, on le respecte plus que les autres. C'est comme ça l'islam, ya Abdallah. Comment, comme je le dis, je le répète souvent, quand toi tu vois même un médecin ici qui est non musulman, tu ne vas pas dire Michel, mais tu vas dire docteur Michel. C'est vrai ou pas? Pour lui donner de l'importance. Il l'a mérité, certes il l'a mérité. Il a travaillé, il a atteint un certain niveau social, un certain rang, on le respecte, docteur, ça lui donne de l'importance. Comment toi, une personne de science, tu arrives et tu lui parles, ou alors même tu le dénigres à travers des mauvaises appellations, ou alors tu lui donnes aucune importance? Est-ce que c'est logique ce que je viens de dire ou pas? C'est logique ou pas? C'est la logique qui découle de quoi? La bonne compréhension de la religion. La bonne compréhension de la religion. Donc à nous de respecter les gens de science. Ala kulli hal, regardez ici. Omar ibn al-Khattab, il dit khlas, venez. Ibn Abbas, viens. Ici, il dit vas-y khlas. Il commence. Omar ibn al-Khattab, il dit qu'est-ce que vous dites de cette sourate? Iza ja'a nasrullahi wal fatih wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ils ont dit, certains d'entre eux se sont tués. Comme il est relaté dans le Bukhari. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, certes, quand Allah Azza wa Jal apporte le secours, ou nous secours, va nous donner le secours, la victoire, Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'on doit louer Allah Azza wa Jal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, c'est ce qui est apparent de la sourate ou pas. C'est ça. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, il dit, khlas. Ibn Abbas, c'est quoi? Il dit, non. Ça veut dire quoi? Iza ja'a nasrullahi wal fath, quand le secours d'Allah Azza wa Jalla, la victoire ici va venir, Allah Azza wa Jalla va vous donner le secours et la victoire. Fasabbih, il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam, il lui rappelle que quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, sa mort est proche. Donc fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Glorifie Allah, il demande pardon. Et on sait de façon générale que quoi? Al-istighfar se fait quand? À quel moment on fait l'istighfar? Fi nihayat al-a'mal. Dans la fin ou lors de la fin des actions. Regardez, quand tu finis le salat, tu finis par quoi? Tu commences par quoi? Ba'd at-taslim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah Azza wa Jalla nous recommande toujours de faire al-istighfar. Pourquoi? Al-istighfar, c'est quoi? C'est une sorte de purification de l'âme. Ça te purifie tes péchés. Et ici, c'est en général à la fin d'une action. Allah Azza wa Jalla dit au prophète, glorifie ton Seigneur et fastaghfir, innahu kana tawwaba. Ibn Abbas, il dit, certes, ça Allah Azza wa Jalla transmet un message et rappelle que quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, ici, s'approche de ses derniers jours et de sa mort. Et Omar ibn al-Khattab a loué ici l'interprétation d'Ibn Abbas qui était bonne, contrairement à l'interprétation qu'avaient les autres personnes. Et là, il voulait leur faire comprendre. Ils ont certes compris que Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa arda wa an abi, ici, il avait une longueur d'avance sur les autres. Dû à quoi? À sa science. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Certes, ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs, ce sont qui? Al-ulama. Ce sont les savants. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa salli allahumma wa sallim wa zubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.